reflecting endless light. Well, endlessly, I have embraced a flame. Winter is not coming. I will scream the world into the void. I will kill the world. Parfois je glisse loin, silencieusement. Je me perds doucement, encore et encore. Je trouve un réconfort dans ma peau, interminablement. Je m'en remets à ma volonté, pour toujours et à jamais. Me dissous dans la confiance. Je chanterai avec joie. Je finirai en poussière. Je suis au paradis. Je me tiens dans les rayons dorés, radieusement. Je brûle un feu d'amour, encore et encore. La lumière infinie, inlassablement, j'ai embrassé la flamme pour toujours et à jamais. I will scream the world. Jump into the void. I will give the world up to heaven. I will scream the world. I will scream the world. Comment ça va, les Américains? How are you, Donald Trump? This is Emmanuel Macron. What do you do with Mexican people? What do you do, my